La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Jean-Marie Gustave Leclésio est né à Nice en 1940, mais ne s'est jamais senti réellement appartenir à cette ville. C'est l'Afrique où il a passé une année enchantée quand il était enfant qui le définira davantage. L'Afrique où son père, un homme rigide et impressionnant, exerçait en tant que médecin de brousse. Ce Nigeria où il pouvait marcher pieds nus, débarrassé des habitudes de l'Occident. La vie de Jean-Marie Gustave Leclésio et singulièrement son enfance, nous en avons parlé hier avec Michel Gazier et Aliette Armel dans une émission à réécouter si vous le souhaitez en podcast. Leclésio est connu pour être le peintre des grands espaces vides et des traditions séculaires au point qu'on en oublie parfois qu'il est aussi un écrivain des villes et de la modernité. Marina Salle se chargera de nous le rappeler au cours de notre émission de demain. Enfin jeudi, nous parlerons de la philosophie leclésienne et des rapports de l'écrivain aux peuples indiens d'Amérique grâce à la présence en France et dans ce studio de Bruno Thibault de l'Université du Delaware. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer les grands thèmes et les racines littéraires des romans de Leclésio, nous sommes en compagnie d'Isabelle Roussel-Gillet, maîtresse de conférences HDR à l'Université d'Artois, spécialiste du roman du XXe siècle. Sa thèse portait sur la quête d'harmonie et les mythes dans l'œuvre de cet écrivain. On lui doit deux monographies, JMG Leclésio, écrivain de l'incertitude aux éditions Ellipse en 2011, et également Leclésio, l'œuvre féconde aux éditions Passage en 2016. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. Moi, je n'écris que des romans. Même l'Africain, c'est un roman. Ce n'est pas un essai autobiographique ou un essai biographique. Et j'écris des romans parce que je suis incapable d'écrire des mémoires. C'est une chose que je ne peux pas faire. J'ai une sorte de réticence à regarder ma vie, à considérer qu'elle a un intérêt. Mais en revanche, les romans permettent de glisser des éléments personnels et de se faufiler à travers l'histoire, d'imaginer, de danser avec l'histoire, ne pas être juste un chroniqueur, mais aussi un intervenant d'une certaine manière, de la mettre en action. Je ne pense pas que l'histoire soit figée, je crois que l'histoire c'est quelque chose qui bouge sans cesse. Jean-Marie Leclésio au micro de Vincent Josse en octobre 2008. Bonjour Isabelle Roussel-Gillet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous comprenez cette expression « danser avec l'histoire » ? Oui, danser avec l'histoire nous emmène directement vers l'importance du mouvement dans l'écriture de Jean-Marie Leclésio. La dynamique, le fait que ce soit toujours en ouverture vers et que même si... On a souvent parlé de cette œuvre comme si elle était fixée sur l'antériorité, à rebours, regardée vers une origine. Elle est en mouvement, elle est en devenir. Et il est vrai que c'est aussi, un chroniqueur, quand on lit les prophéties de Chilambala, et puis c'est quelqu'un qui a une thèse d'histoire, qui est docteur en histoire, qui se nourrit aux archives, et il disait souvent qu'il n'avait pas d'imagination, alors peut-être qu'il y a ce goût de la précision, mais quand il écrit, il fait danser l'histoire, parce qu'il l'articule au mythe notamment. Et cette façon de tisser les choses, peut-être que je peux prendre un exemple dans un de ses livres, Raga, l'approche du continent invisible. Vous avez l'histoire qui est agressive, qui est pas facile. C'est le blackbirding, l'esclavage par les Australiens. C'est la question du sida pour les femmes de cette île du Vanuatu, ou bien leur revendication pour avoir le droit de vivre, le droit de, devant les nattes qu'elles font. Et puis tout cela est tissé avec le mythe, parce que quand on arrive sur cette île avec Jean-Marie Le Clésio qui débarque donc par bateau, eh bien il va raconter l'origine de cette île, la légende, et il va tisser, danser dans un geste féminin. D'ailleurs, c'est souvent que des femmes qui dansent dans son livre, et beaucoup de femmes qui tissent. Et il va parler d'une plante, la plante kava. Et cette plante, il est vrai que d'un côté historique, c'est une plante qui a échappé à l'interdiction de la culture par les colons. Et d'un point de vue anthropo, on va dire c'est une plante qui sert de breuvage, lors de rites de passage, de rites d'initiation, et les femmes n'ont pas accès à ce breuvage. Et il va ramener la dimension mythique, peut-être de façon assez malicieuse, plus qu'on ne le pense, parce que ce qu'il va nous expliquer, c'est que la plante, la kava, eh bien, elle vient... peut-être qu'elle aurait été découverte, d'un point de vue de légende, hein, par une femme, ou peut-être qu'elle aurait été dans le crâne d'une lépreuse, ou peut-être qu'elle serait née sur une pierre dans le vagin d'une ogresse, enfin des femmes très particulières. Et donc il y a une articulation comme ça, sans cesse, qui fait que ça fait bouger les lignes entre cette réalité agressive historique, mais souvent très précise, hein, il y a un fond de recherche dans chaque roman, et puis la part mythique, qui fait qu'on nous emmène vers quelque chose de peut-être plus enchanteur. Mais est-ce que la femme, c'est Gaïa aussi? Ah, c'est oui. La terre. Oui, mais en même temps, la femme, elle est tellement tantrique chez Le Clésio, puis on devrait dire les femmes. En fait, dès qu'on aborde l'œuvre, on devrait toujours utiliser le pluriel. Mm-hmm. Parce qu'elle est tantrique, elle est cosmique. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles aussi. Il y a des jeunes filles. Il y a des mamans. Il y a beaucoup de grossesses. Il y a la grossesse de Lala dans le désert. Beaucoup de maternité. Qui sont comme des aubes et des devenirs assez positifs en fin de roman, assez souvent, que ce soit pour Poisson d'or, désert, enfin on a ce motif. Et ce lien avec la terre, oui, d'initiation par la femme est très fort. Donc il y a des femmes plurielles, peut-être des Antigones un peu rebelles, il y a des femmes victimes aussi, hein, beaucoup. Donc le lien à la terre, le lien à la mer, le lien au sol. Quand vous dites la terre, moi j'entends aussi, pour faire la liaison avec votre question précédente, c'est que quand il y a des femmes qui vont danser, elles vont taper le sol des pieds. Il y a un ancrage à la terre, il y a un point d'appui, ça donne une direction. Et ces femmes sont souvent aussi initiatrices dans les, on va dire, les grands romans qui sont fort connus et fort lus, hein, de Jean-Marie Le Clésio. On va dire Désert et Le Chercheur d'or et La Quarantaine, ce sont souvent des couples, hein, souvent. Et par exemple, Le Chercheur d'or, vous avez Uma et Alexis. Et Uma est la femme qui va l'initier à pêcher le poisson. Donc la femme, voilà, est un mythe en soi. Il y a un mythe du féminin. Il n'y a peut-être pas tellement de mythes du masculin chez Le Clésio, ou alors s'il y en avait un, lequel serait-il selon vous, Isabelle Roussel-Gillet? Je crois qu'il fait exploser les mythes du masculin qui auraient pu être Icare, Prométhée, etc. dans toutes les premières œuvres des années 1963 à 1978 à peu près. On n'est pas dans le mythe du masculin, parce que là peut-être qu'il y a le point de vue intérieur du... Bah, le fait que ce soit un homme qui écrit, quand même. Et ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des héros, ce ne sont pas des archétypes. Ils ont même parfois du mal à être des personnages au début. Hein. Ce sont presque des prototypes. Mmh. Je pense en particulier Procès-Verbal. Donc c'est le premier livre publié, succès, notoriété dans le milieu littéraire. Bien, le personnage Adam Polo, on ne va pas le caractériser par une forme de mythe masculin, mais quand même avec son nom, Adam, c'est le premier homme. Donc mmh. Ça répond peut-être un peu à votre question. Et Apollon, le dieu solaire. Donc il y aurait comme ça peut-être des allusions, mais qui sont des mythes complètement dégradés. Hein. C'est vraiment pas... Puis des fois, vraiment, quand je dis qu'on a du mal à se représenter comme personnage, c'est qu'il est beaucoup question de portrait par touche, mais on est incapable de le portraiturer, incapable de le dessiner. Parfois c'est un agglomérat de cellules, parfois c'est un homme démesuré, parfois il a une tête ovoïde. Il a même les trois âges, comme ça, dans les lignes de la Sphinx. C'est l'incertitude dont vous allez peut-être nous parler un peu plus tard, ouais, à l'œuvre dans la littérature de Le Clésio. Mais pour terminer sur la figure du masculin, vous avez dit évidemment, c'est un homme qui écrit. Mmh. Alors quelle est la place de l'autobiographie justement, qui est assez importante tout de même, oui, chez Le Clésio? Elle est importante, elle est toujours traitée de façon un peu oblique quand même. Peut-être qu'il explique qu'on cache les choses dans la littérature, qu'on voile, Mais bon, ça serait un petit peu schématique parce qu'il suffirait de se dire, ben, on voile et on dévoile. Mais non, il va approcher par différents angles. Alors lesquels ? Si on lit Balassiné, c'est un essai sur le cinéma quand même. Peut-être qu'on ne s'attend pas à ce que ça commence par un passage très autobiographique qui rappelle comment il a été éveillé à l'amour du cinéma, à cet art de la lumière, en regardant, grâce à un pâté baby chez sa grand-mère, des films qui étaient prêtés par une monteuse, Gabi, dont qu'il évoque. Et ce sont des souvenirs très personnels, comme le début de Ritournelle de la fin. Peut-être que l'autobiographie, elle est oblique quand il écrit l'Africain, parce que c'est la biographie de son père, mais en même temps, l'Africain, c'est aussi lui étant enfant sur cette terre d'Afrique, où il a vécu vraiment un choc physique et charnel. Maintenant, il n'est pas indemne des grands mouvements de ses contemporains des années 80, avec un grand retour romanesque, le récit de filiation, qui est l'Africain, qui est un récit de restitution, mais c'est pas quelqu'un qui donne dans l'autofiction. Est-ce que vous diriez qu'on l'entend toujours parler derrière ces personnages ? On entend une voix quand même, on entend un point de vue. On entend une voix, peut-être plus qu'un... Alors un point de vue, c'est peut-être pas la même chose. Le point de vue me renverrait peut-être à des engagements forts, des convictions, parce qu'on peut peut-être parler d'incertitude, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des convictions, un certain écœurement par rapport au colonialisme, à toute forme de domination. Mais on entend une voix, tout à fait, vous avez raison, une patte sonore, un goût des mots, de la langue qui se déploie, ce mouvement dans la langue, ce bruissement. On reconnaît une page de Jean-Marie Le Clézio. La Compagnie des œuvres sur France Culture. Alors Isabelle Roussel-Gillet, on a tendance, de manière un petit peu schématique, à séparer l'œuvre de Le Clézio en deux. Il y aurait une œuvre d'avant Désert, 1980, et puis une œuvre d'après Désert. Comment faire d'abord la différence entre ce que traditionnellement on dit de l'œuvre d'avant et de l'œuvre d'après, puis peut-être qu'après il faudra déconstruire un petit peu cette manière trop schématique de raconter l'histoire du parcours de l'œuvre de Le Clézio. Oui, qui est toujours en devenir d'ailleurs. Et c'est une question qui est souvent posée et on évoque la première partie avant Désert comme étant les premières œuvres ou la première période, c'est vrai. Qui serait un peu inspiré du nouveau roman, par exemple. Ah, c'est une étiquette qu'on a du mal à coller, quand même. Alors, au tout début, peut-être que forcément, quand on est dans l'ère du soupçon, il y a une déconstruction de la narration, de l'intrigue, une défictionnalisation, une dénarrativisation. Ça, c'est très présent, un goût du détail. Mais quand même, dans le procès verbal, il glisse tout un ensemble d'éléments critiques sur la guerre d'Algérie, sur l'amnésie, sur le fait que ce soit un retranchement de cette mémoire collective. Ça, ce sont des engagements quand même très peu nouveau roman, à mon avis. Peut-être que l'étiquette qui a été la plus collée, c'est intellectuel, que c'était une œuvre austère et difficile. Alors, pour répondre à votre question, le pivot de Désert, c'est 1980, c'est un succès public. C'est vrai. Il y en a eu un avant, quand même, Mondo et autres histoires. Mais je pense que c'est une transition. Il n'y a pas eu une œuvre comme ça de rupture, d'un seul coup, clac, comme si on passait à autre chose. Déjà parce qu'il y a une continuité, comme la voix dont vous parlez, le style, la patte qu'on peut reconnaître. Il y a eu une période très transitoire que je situerais plutôt autour de L'Inconnu sur la Terre et Mondo et autres histoires, qui est quand même un geste peu banal, d'avoir dédoublé l'écriture en co-texte, avec un retour à la fable et au récit, au conte, hein, très net, avec ce recueil de nouvelles, Mondo et autres histoires, et L'Inconnu sur la Terre, qui est comme le carnet de bord de cet ouvrage, avec un enfant qui est cet inconnu, ou L'Inconnu sur la Terre au sens général. Il y a de récits, d'histoires, c'est très fragmenté, mais on a cette contemplation de la nature, on sent qu'on est dans la même réflexion comme si on était dans la Genèse. Et les premières œuvres, ce qui serait injuste, c'est dire les premières œuvres, parce que ça fait comme si c'était un bloc. Et il y a toutes les tentatives qui sont faites, la tentative de l'essai philosophique, la tentative des fragments dans L'Inconnu sur la Terre, la tentation poétique. Ça a toujours été Iceberg. Une œuvre très plurielle, de toute façon, l'œuvre de Le Clézio. Oui, là je pense que vous... c'est une belle expression porteuse, l'œuvre plurielle. quand Jean-Marie Le Clézio est invité au Louvre en 2011, il offre un texte au catalogue qui commence par cette phrase « Les musées sont des mondes, un pluriel. Les livres sont des mondes et nous-mêmes, nous sommes des mondes. » Et cette pluralité fait que, peut-être au début, c'est assez désarçonnant parce que c'est l'éclatement, mais plus on avance dans l'œuvre, plus on passe à plutôt l'enlacement. Et ce pluriel, il est finalement reflet de sa grande curiosité. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas un voyageur de passage d'un pays à l'autre, hein, il est en immersion. Et puis, quand vous parlez d'étiquette du nouveau roman, moi, je dirais aussi qu'il y a eu la grande influence du surréalisme, mais de toutes ses autres lectures. Mmh. Parce que c'est un très très grand lecteur. Où est-ce qu'on le voit, par exemple, le surréalisme ? Or, dans les... Alors, j'allais dire dans les premiers livres, quand vous avez un... des expressions dans le procès verbal, des éclats avec l'acier verdoyant de la lionne qu'il croise aux eaux, quand vous lisez vers les icebergs, cette écriture très envoûtante vers le voyage. Lautréamont est quand même très présent, il va même le citer dans un texte qui... pour le coup, semble très éloigné, qui est ce texte précisément à l'occasion de l'exposition sur le Louvre. Il y a cet insolite dans Voyage de l'autre côté. Mm-hmm. Nadja, quand même, on pense forcément à la Nadja de Breton. Puis les affinités avec Breton sont, je crois, fortes, comme de se battre contre la haine du merveilleux. Des acquaintances et des affinités certaines, pas avec l'homme, mais je veux dire avec les goûts, même en matière artistique. Même le rapport justement à l'art, le fait d'aimer l'art à ce point-là, puis tous les arts, y compris les arts premiers. Les arts primitifs, les arts populaires, les arts éphémères, l'art ethno aussi, hein, on pense à Breton. Je pensais à Frida Kahlo, je pense à The Frame, qui est cette œuvre qui a été exposée à la fois, pour la première fois à Paris, par Breton, et qu'on a retrouvée dans l'exposition Le Clézio invité au Louvre. Un goût des arts, parce qu'il y a un credo qui est de ne pas hiérarchiser les arts. Mmh. Et je pense qu'il y a deux domaines d'art qui l'ont beaucoup fasciné, les arts de la lumière, la photographie, le cinéma. C'est incroyable que lorsqu'il parle de peintre, Modigliani, Matisse, il entre dans ses œuvres par une photographie, la photographie de Matisse ou la photographie de Modigliani, pour ensuite évoquer le gouffre d'abîme, les yeux, c'est vrai, dans les peintures de Modigliani, et puis les arts populaires, la danse que vous évoquiez tout à l'heure, cette fois-ci au sens peut-être premier, que ce soit la sandouga dansée, écoutée par Frida Kahlo, jusque toute forme de peinture sur peau chez les Indiens qu'il a pu découvrir lors de ses séjours chez les Emberas, d'art éphémère, de traces dans le sable. Il préférera toujours une colonne Maurice à Shakespeare. Oui. Non, ça c'est tiré de l'extase matérielle, oui c'est vrai. Parce que la culture ne doit pas écraser l'humain. À force de parler d'humanité, on oublierait l'humain. À force de parler de la culture, avec cette généralité écrasante d'ailleurs, parce que la généralité nous emmène vers quelque chose de difficile après à déployer. Hein, quoi. Je pense à une phrase de Daniela Ferrière qui disait « Mais la peinture haïtienne, de quoi vous parlez ? Peut-être les peintres haïtiens, et puis peut-être qu'il faut les nommer. » Et Jean-Marie Le Clézio a écrit d'ailleurs sur Hector Hippolyte en tant que peintre haïtien. Et quand il dit, sous forme peut-être provocatrice, hein, plutôt la colonne Maurice, mais c'est l'art de la rue, c'est l'art pour tout le monde. Hein, c'est le même geste qu'il a eu après tout de faire venir des voitures lowrider au Louvre. C'est un art de la rue, hein, un art vivant, etc. Plutôt que Shakespeare, parce que il n'a rien contre Shakespeare, hein, mais ce sont les belles lettres, ce sont les beaux-arts qui ont quelque chose d'assez dominant dans l'histoire, même muséographique, on va dire. Alors que l'art primitif, ça va être les masques que lui, il a connus en Afrique. Enfin, bon. Vraiment, ce qui m'a séduit, je crois que c'est ce qui séduit tout le monde, c'est cette impression d'absolue perfection. On ne peut pas changer un mot à mi-chemin. Cette impression d'une langue très ramassée. Et il y a peut-être aussi un belgicisme qui est très attirant chez Michaud. l'impression d'un langage qui n'est pas le langage d'un pays doux comme l'Île-de-France, mais d'un pays rude, d'un pays presque tragique, comme j'imagine sont les Flandres. Et dans l'écriture, vous avez été influencé par Michaud, le goût du mot juste, le refus de l'adjectif ou de l'adverbe, etc. Le refus qui est psychologique pour moi de la rature. Littérature, c'est parce qu'en fond, il y a rature là-dedans. Et ce qui n'est pas réellement exact, puisque Michaud raturait beaucoup ses textes. Mais l'impression que laisse le poème, c'est l'impression de ce qui resterait quand on aurait enlevé tout ce qui est superflu dans le langage. On voit l'os et les tendons. Un entretien avec Jacques Duchâteau dans le Panorama de France Culture, c'était en 1985. En fait, Isabelle Roussel-Gillet, vous dites que Le Clésio a choisi une famille de nomades, et c'est parmi les nomades qu'il est allé chercher ses influenceurs, ses inspirations, parmi lesquels évidemment Michaud. Oui, pensez à Artaud, Michaud. Rimbaud. Il y a beaucoup, Rimbaud, oui, qu'on retrouve dans la quarantaine sous l'appellation Le Disparu à un certain moment. Michaud s'est voyagé contre et dans le livre des fuites, on peut dire cette phrase « Je fuis l'Europe des esclaves ». Il y a le désir de partir, oui. Parce que partir, ça va être se déplacer, se décentrer, changer ses cadres de référence. Forcément, le point de vue dont vous parliez tout à l'heure va être enrichi de tous ces grands départs. Et un autre point de tangence, c'est peut-être ce goût de l'enfance, comme âge d'or des questions, disait Henri Michaud. Et je crois que ça, c'est vraiment une des fonctions que Jean-Marie Le Clésio voudrait donner à la littérature, outre de bousculer un peu nos imaginaires et de les reprogrammer, c'est de poser des questions. De même que les musées dont vous parliez tout à l'heure, les musées, ce ne serait pas pour montrer, mais ce serait pour mettre en question. Eh bien, le texte, ce serait pour nous mettre en question. Et tous ces départs le remettent en question. Alors, le côtoiement avec Michaud, c'est un côtoiement avec l'homme, et puis c'est aussi le côtoiement de son œuvre, puisque il a eu ce geste d'écrire Vers les icebergs, qui est une sorte de prolongation d'un poème de Michaud. Mais il avait aussi écrit un travail plus universitaire, un mémoire sur la solitude chez Michaud. Enfin, c'est quoi alors Vers les icebergs? C'est un poème? Oui, c'est une prose poétique. Qui glorifie la nature, qui glorifie le Grand Nord, qui glorifie quoi? L'inconnu, l'imprévisible, l'imprédictible. Ce serait presque licentien, moi. Enfin, donc quelque chose d'un principe d'ouvert et d'emportement. Alors c'est curieux, là, dans l'extrait, quand tu parlais de rature, bon, j'ai eu la possibilité de voir et d'exposer des manuscrits de Jean-Marie Le Clésio, il rature quand même assez peu, mais en fait il y a plusieurs versions, il y a plein de versions, il y a ce goût d'aller chercher en effet le mot juste, même si la structure de la phrase est déjà là, il va y avoir beaucoup, enfin des mots qui sont supprimés, mais comme il le disait lors d'une interview, il y a des textes qui sont parfois très raturés, d'autres pas du tout. Alors on a parlé de Lautréamont, non seulement hier mais un petit peu aussi tout à l'heure avec vous Isabelle Roussel-Gillet. Il y a un certain nombre d'obsessions qu'on retrouve à la fois chez Lautréamont et chez Le Clésio. J'aimerais bien que vous les commentiez un petit peu parce que finalement c'est dans cette émission où on recherche un peu les thèmes de Le Clésio, peut-être une entrée pour essayer de les comprendre justement ces thèmes. Pulsion de mort. Ah oui, alors l'extase matérielle, ma mère est aussi celle qui m'a tué. La pulsion de mort est très forte dans les premiers écrits, le cycle déluge, la guerre. On est vraiment dans une pulsion de mort, mais qu'on sent de façon aussi, très collective. Ou d'une mort, voilà, justement, d'un suicide collectif. Il y a les deux, parce que vous avez un personnage féminin dont on se dit qu'elle s'est peut-être suicidée, vous avez beaucoup de noyés, donc la pulsion de mort est un peu partout, comme si on était dans un état de guerre, un état Léviathan. Donc il y a ça très présent. Et pourtant, c'est une œuvre très lumineuse, qui paraît tellement tournée vers la vie. Et je pense les deux, c'est ça qui s'articule. Il n'y a pas une œuvre à la fois, enfin qui serait uniquement crépusculaire, le crépuscule des hommes. Peut-être que c'est plus fort dans la lecture des tout premiers livres. Et puis de l'autre côté, après, une lecture, une œuvre complètement solaire. C'est comme si on séparait et puis on disait, ben voilà, comme tout à l'heure, il y aurait l'histoire d'un côté et puis le mythe de l'autre. Il y a une articulation entre les deux. Maintenant, cette pulsion de mort, elle s'exprime aussi parfois dans la relation très agressive à l'autre. Il y a des scènes, il y a très peu de scènes érotiques, ben, on va dire globalement dans l'œuvre. Et il y en a une comme ça où on a, bien sûr, un sentiment de peur de castration, il y a ça aussi, mais on a l'impression que l'autre est une sorte de... Enfin, l'autre, c'est une femme, en l'occurrence, de corps démembré. On est plus dans une mécanique de garage que dans un rapport à l'autre incarné en tant qu'être humain, en tout cas. Donc, la pulsion de mort est très forte, en effet, dans les premières œuvres. Mais dans les premières œuvres. Mais alors, justement, est-ce que, dans cette évolution que vous décriviez aussi tout à l'heure, il n'y a pas alors un retour du récit, mais aussi une avancée vers davantage de sérénité, vers une littérature, justement, peut-être plus solaire? Oui, une quête, enfin une harmonie qui s'installe sans doute. Même est-ce qu'il le revendiquerait ou est-ce que lui-même ne pourrait pas dire cela selon vous? Je ne sais pas s'il le revendiquerait, mais peut-être qu'il y a un idéalisme plus fort. Si on prend la question de l'utopie, il y a une utopie défaite, une utopie qui ne fonctionne pas dans Urania, mais ça n'empêche pas d'avoir un certain idéalisme dans la rencontre de l'autre, dans ce que lui va appeler l'interculturel. Je crois que s'il revendiquait quelque chose, ça serait peut-être la nécessité de lire de l'interculturel et de continuer à traduire, beaucoup traduire dans notre monde éditorial. Oui, parce que dans toute la pluralité de la production de Le Clézio, il y a aussi, on l'oublie souvent, le fait qu'il est traducteur lui-même. Oui, c'est vrai que ce sont des œuvres en plus très peu étudiées. Donc, Relations de Michaud à Cannes ou bien Les Prophéties de Chilambalam qui ont été traduites. Et lui-même a beaucoup soutenu la traduction, puisqu'il a co-dirigé chez Gallimard une collection avec Jean Grosjean qui s'appelait L'Aube des Peuples pour nous faire connaître les mythologies de tout pays, hein, aussi bien danoises qu'inuites, etc. Et quand il s'agissait du Pohu, par exemple, c'est un autodidacte amérindien qui était chargé de cette traduction qui permettait d'édulcorer des contresens faits par les prêtres espagnols. Donc, la traduction, c'est bien sûr rencontrer une autre pensée, mais il y a tout aussi un cheminement dans le geste même de traduction. Alors, je reprends un thème de L'Autre et Amont qu'on peut peut-être appliquer à Le Clézio. En tout cas, vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est la question du sommeil et du rêve. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve, là encore, chez Le Clézio? Ah oui, le flottement. Oui, il y a un flottement entre le songe et la réalité qui est un petit peu permanent et qui permet d'avoir des instants très épiphanique parfois, où on a des extases matérielles, où on part dans un univers. C'est quoi une extase matérielle? Alors, c'est un peu phénoménologique, hein. C'est comme si on rentrait dans la chair du monde, c'est pas qu'on rentre dedans, c'est qu'on est la chair du monde. C'est, on réalise qu'on est fait nous-mêmes de matière, au même titre que ce qu'on regarde, que les arbres, les animaux. Et là, ça peut peut-être répondre à votre double interrogation aussi sur L'Autre et Amont, c'est une espèce de devenir animal. Il y a beaucoup d'animalité, hein, dans l'œuvre de L'Autre et Amont, et puis ce devenir pieuvre qu'on retrouve dans Le procès verbal avec Adam Polo, et un devenir animal, comme l'aurait dit Gilles Deleuze, qui fait qu'il... Ben, c'est un personnage, par exemple, qui devient, mais littéralement devient un animal. C'est pas qu'il va imiter le chien qui suit dans la rue, ou la lionne qu'il voit au zoo, ou qu'il va couiner comme le rat. C'est pas pour imiter, il devient ce rat. D'ailleurs, dans Le procès verbal, on parle beaucoup d'animaux. Il y a presque un chapitre entier où il s'agit de suivre un chien. Oui. On devient chien, en fait, en suivant ce chien pendant tout un chapitre. Oui, c'est ce dont je vous parlais. Et cette instabilité du personnage, parce qu'il devient ce qu'il regarde, fait qu'on a une espèce de confusion intérieure-extérieure qui peut en effet faire décrocher des repères habituels, notamment celui du personnage. Et cette instabilité n'est pas simplement qu'avec l'animal, ça peut être aussi avec le végétal. Donc à un moment donné, il est au fond d'une huître, il y a des métamorphoses, il est un peu mutant, c'est ce qu'on pourrait dire. Du coup, c'est vrai que en tant que lecteur, on est aussi un peu dans ce flottement. C'est ça qui donne d'ailleurs du plaisir à la lecture et qui fait que la lecture peut être un petit peu, parfois me semble-t-il, méditative. On ne sait pas très bien où on est. On est peut-être dans la poésie, on est peut-être dans la narration. Mmh. Peut-être qu'il faut croire ce qu'on nous raconte, peut-être qu'il faut pas y croire. Et donc, on est pris comme ça, nous-mêmes, dans un espèce de rêve éveillé. Oui, on ne sait pas forcément où on est. Et des lecteurs ont très bien pu penser que l'aéroport de Séoul était l'aéroport de Roissy. Des personnes qu'on a pu rencontrer qui lisent beaucoup Jean-Marie Le Clézio dans le pourtour de la Méditerranée, qui pensent que ça se passe chez eux, dans la ville où ils sont nés, donc parce qu'il y a comme ça ce flottement possible, parce que les noms des villes ne sont pas toujours nommés. Par exemple, Tout le monde a d'autres histoires, on se doute bien qu'on est dans le pourtour méditerranéen. Dans le procès-verbal, on peut se douter que c'est Nice si on connaît un nom de rue, mais ce n'est pas forcément ancré dans un référent qui va emporter vers cet ancrage-là à un lieu précis. Et ce songe peut en effet rejoindre la contemplation, comme vous le disiez, dans L'inconnu sur la terre notamment. Quand il a écrit le procès-verbal, vous avez vu, ça commence toujours par une lettre, comme un alphabet, oui. Les chapitres A, B, C, D, etc. On ne va pas jusqu'à Z, par contre. Non, ça s'arrête à P, R, là, ça s'enraye sérieusement. Et cet alphabet qui est égrené, je ne sais plus où il disait, lors d'une interview, que ça aurait été comme si on pouvait ouvrir le livre, vous savez, au hasard, chapitre A, B, etc. Ben, ça, on peut le faire avec L'inconnu sur la terre et avec des moments de contemplation, des quatre éléments en fait, qui sont très très forts dans toute son œuvre. Here ends my daydream. Pour moi, c'est le thème romanesque par excellence, l'initiation, c'est-à-dire ce qu'on découvre quand on ouvre les yeux sur la vie, c'est-à-dire le moment où on fixe vraiment la mémoire, fixe les images, les sensations. Et je crois que ça, c'est le moment romanesque par excellence pour moi. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Comprendre mieux en mieux en vous écoutant Isabelle Roussel que ce n'est pas en expliquant réellement ce que c'est que la littérature de Le Clézio qui ne s'explique pas comme ça aussi facilement. C'est un peu en tournant autour qu'on arrive finalement à ressentir ce qu'elle est, cette littérature. Et cette littérature, elle est en effet très cyclique aussi. Je crois que ça, on le comprend bien dans ce que vous dites. Il y a, comme il le disait à l'instant dans cette courte archive, l'impression d'un éternel retour. On revient toujours sur les mêmes thèmes et puis aussi sur les mêmes lieux. Alors c'est vrai qu'il y a un temps cyclique très fort, comme on peut avoir dans les grandes mythologies. Et on a souvent associé son œuvre à une forme de nostalgie des origines. Je crois que le pluriel est important, des origines. Alors de toutes les cultures. De toutes les cultures. Et puis, comme il le dit, on est d'un père et d'une mère. De quelle culture sommes-nous exactement? Quand il est dans l'Afrique, est-ce que c'est le corps de sa mère? Est-ce que c'est le pays là où il a été conçu? D'absolument toutes les cultures. Et cette question de l'origine, elle est très liée à votre question du temps cyclique et du fait qu'on repasse par un lieu. Alors, ce qui est embêtant peut-être, c'est le terme de nostalgie, parce que ça renvoie à une représentation extrêmement romantique, à la Rousseau, d'un peuple primitif, des êtres peut-être tout nus, sans métier. Bon, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup les métiers chez les personnages de Jean-Marie Le Clézio. C'est vrai que c'est comme ça qu'on se le représente, si oui. On ne va pas trop loin dans la lecture. Oui. Alors que, si on gratte un petit peu, parce que là, c'est le roman familial, voilà, il y a le sentiment d'avoir perdu la maison d'origine. Et en fait, il faut d'abord se poser la question de ce dont on parle quand on parle d'origine. Est-ce que c'est un lieu, est-ce que c'est un temps, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, avec soi-même. Donc, par rapport au temps, ce temps cyclique, peut-être prendre l'exemple d'une nouvelle qui s'appelle Pawana, où vous avez des baleines qui reviennent dans une baie pour mettre au monde. Vous parliez de naissance, de la forte présence des accouchements, des aubes. Et elles reviennent dans cette baie. Et Pawana, en langue natique, c'est le cri du pêcheur pour dire les baleines arrivent, donc les pêcheurs vont les tuer. Mmh. Donc c'est là où tout commence et où tout finit. Et on a souvent cela qui est imprimé dans le récit. Dans Poisson d'or, c'est la même chose. Ah non, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Ah non. Parce que Laïla, l'héroïne, oui. traverse toutes sortes oui. d'épreuves et puis elle revient dans son village natal mmh. au sud du Maroc. Donc c'est oui, pas la même chose, non, mais il y a chose, aussi un retour. Non, c'est pas la même chose. Parce qu'en effet, on est dans un retour à un lieu. Mais vous voyez, ça relance l'origine. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Exactement ce qu'elle dit, c'est qu'elle vient poser sa main sur la terre de sa mère, et faisant cela, elle pose sa main sur la main de sa mère. Il y a un double toucher là, et que fait-elle après ? Elle part au Canada et elle émigre. C'est-à-dire que dans l'origine, c'est pas forcément enquisté sur l'antériorité, le retour, la nostalgie et la rebours. Non, là c'est une force de relance, c'est une force d'appel. Il ne faut pas amputer l'origine de sa capacité de redirection. Et donc je pense que c'est pas tout à fait pareil, parce que Leïla, c'est plutôt un rebond, cette origine. Mais comme on voit, elle repasse par, en effet. Le ciel est gris, couleur de remords. La mer est mauvaise, houleuse. Elle cogne contre les récifs, sur les pics de lave. Elle tourbillonne et clapote dans les grandes flaques à l'entrée des baies étroites. Sans ces femmes qui pêchent chaque jour, la mer serait ennemie, inaccessible. J'écoute chaque matin les cris des femmes de la mer, le bruit écorché de leur respiration quand elles sortent la tête de l'eau. Ah oui, il y a. J'imagine le temps passé, j'imagine Mary disparue. Je pense à sa voix qui chantait le blues à Bangkok, à sa jeunesse, à ma jeunesse. La guerre a tout effacé, la guerre a tout brisé. La guerre me paraissait belle en ce temps-là, je voulais l'écrire, la vivre et puis l'écrire. La guerre était une belle fille au corps de rêve, aux longs cheveux noirs, aux yeux clairs, à la voix envoûtante, et elle s'est métamorphosée en vieille hirsute et méchante, en mégère vengeresse, impitoyable, inhumaine. Ce sont les images qui me reviennent, qui montent du plus profond. Une image me hante, le corps d'une femme étendue en croix tandis que les soldats la besognent. Et ses yeux qui me regardent alors que je suis en retrait, près de la porte, ses yeux qui voient à travers moi, qui voient la mort. Je n'ai jamais rien dit à Mary, et pourtant c'est à cause de cette scène atroce qu'elle a plongée dans la mer pour ne jamais revenir. La mer lave la mort, la mer ronge, détruit et ne rend rien. La mer, c'est pas un petit sujet, hein, chez Jean-Marie Le Clézio, la mer. Oui, c'est une grande thématique, un élément très présent. Et les mers qui donnent le début des romans et parfois la fin, comme Le Chercheur d'or, hein, où du plus loin je me souviens que j'ai entendu la mer et qui boucle dans ce temps cyclique. Mais les mers, parce qu'il y a les mers méditerranéennes, là, les mers qu'on entendait. Les mers coréennes, les mers des archipels ne sont pas traitées de la même façon au sein de l'œuvre. Elles ont toutes une personnalité différente. Oui, la mer Méditerranée, c'est la mer intérieure, même s'il y a un brassage, un métissage culturel qu'il évoque, notamment depuis le port de Nice, où il y a un texte qu'il a écrit à propos de Nice. Ce n'est pas la même chose que les archipels, les Mascareignes notamment, hein, pour... réancré du côté du cyclo mauricien et de l'île Maurice. Ce sont les îles plurielles et avec une imbrication très polyphonique des voix héritées qui vont être très différentes, peut-être plus créoles aussi. Donc chaque mer, oui, a une personnalité et je m'étais amusé à suivre le motif de la plage. Ça fait pas sérieux, je pense, parce que la plage, c'est sans doute Sex and Son ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, j'ai regardé le motif de la plage dans l'œuvre. Et là aussi, il y a des plages qui sont salies, dégradées, avec des déchets. Et puis, des plages qui sont dans le feuilletage des temps, à l'interface, qui vont être des lieux où on trouve des épaves qui sont comme des ponts joignant les temps, comme des os du temps sur les plages de Raga ou des lieux transitoires. Donc les mers, oui, sont plurielles. Elles ne sont pas univoques, c'est justement ça qui est intéressant. C'est que là, dans l'extrait qu'on entendait de Tempête, c'était la mer qui détruit, la mer qui ne rend rien. L'extrait s'arrête là-dessus. Tous les éléments sont ambivalents. Le feu, la terre, et à chaque fois, ces ambivalences sont présentes. Même quand il va parler de façon très critique d'espaces qui sont un peu privés de ces éléments, comme la ville, il va parler d'une fascination de la beauté de la ville et de son côté très métallique. Donc on a sans cesse ce que vous nommez l'équivoque et l'œuvre plurielle, et comme vous disiez, qu'on tourne autour, mais lui aussi, je pense qu'il fait tourner les éléments et il les voit sous d'autres facettes. Mais en réalité, on tourne autour de l'Ecclésio, parce que si on nomme le sujet de l'Ecclésio, on finit par dire l'Ecclésio nous parle de la vie, l'Ecclésio nous parle de la mer, l'Ecclésio nous parle du soleil. Et donc on a l'impression d'une très grande banalité, et c'est beaucoup ce qu'on lui a reproché d'ailleurs. On lui a dit « vous êtes un écrivain naïf » par exemple. Est-ce que précisément ce n'est pas qu'il essaie de parler de ces grands sujets qu'on ne peut pas nommer, parce que dès qu'on les nomme, tout d'un coup il tombe dans ce qu'on pourrait ressentir comme étant de la banalité, alors qu'en tournant autour comme il le fait, il arrive à faire sentir ce qui ne peut pas être nommé. Disons que ce ne sont pas, c'est pas un collier enfilé de perles thématiques où il y aurait la mer, le désert, etc. Ce sont des réalités qui font partie de l'histoire. Ils ne sont pas des décors. Mais si on problématise, on sentira que ce qui le préoccupe avant tout, c'est ce que vous dites, c'est le vivant, c'est l'humain, c'est la lueur au fond des yeux de quelqu'un, mais pas, pas forcément d'écrire sur un sujet qui va être le paysage maritime. D'ailleurs, c'est souvent... la notion de paysage est très délicate à utiliser en analysant son œuvre. L'importance du vivant et la question humaine, c'est cette intrication de ces éléments premiers que vous nommez, la mer ou le ciel, enfin, etc., sont dans cette équivocité toujours porteurs de mort et de vie dans l'ensemble de l'œuvre. Mais une fois qu'on a dit cela, c'est, si ça prend le dessus dans la lecture, je crois que c'est parce que c'est à ce moment-là une tentation de l'interprétation d'une lecture qui serait consolante. Mais non, il n'y a pas un peu de ça quand même, un peu de consolation chez l'Ecclésio? Il y a peut-être un espoir qui est une lueur, une survivance permanente, un goût de trouver les lueurs qui ne périssent jamais, aussi bien dans une statuette que dans le regard d'un enfant, que dans un lieu particulier. Oui, il y a cet espoir, cette lueur, c'est revivant, c'est quand même. Oui, il y a une ligne qui peut nous appeler. On a le droit aussi de faire une littérature qui console. Oui, je pense que c'est très englobant là ce que vous dites. Peut-être que l'Africain, c'est un récit de réparation qui répare une relation précise avec son père. Que la littérature soit consolante. Qui console le lecteur peut-être aussi, non ? Ça l'interroge et ça le dérange aussi. Je crois que c'est important de ne pas avoir peur d'être dérangé, d'être plongé dans ces formes d'incertitude qui nous permettent de nous ouvrir à l'autre, de nous décentrer, d'être à la fois envoûté par ce que vous nommez depuis tout à l'heure, son chant, parce qu'il y a vraiment une incantation qui peut-être a fait oublier le cri du départ, le cri de la révolte, mais il y a toujours quand même une révolte contre les injustices actuelles faites à la nature, faites aux femmes, etc. Je crois que je n'aurais pas pu écrire ce livre si, en fait, je n'avais pas eu envie aussi de parler de l'Afrique, parce que mon père s'est identifié à ce pays, au Nigeria, au Cameroun, où il a passé l'essentiel de sa vie. Et c'était un peu un mystère pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi il avait choisi cette vie-là plutôt qu'une autre, plutôt qu'une vie plus modeste, plus, du moins plus raisonnable. Et il avait sacrifié à cette vie même les relations qu'il pouvait avoir avec sa propre famille, les relations qu'il pouvait avoir avec l'Europe, tout ça était venu en second plan pour lui. Et c'était mon interrogation. Et je me demandais ce qu'avait été l'Afrique, pourquoi ça avait suscité une telle passion, un tel amour, aussi exclusif et aussi fatigant, aussi exténuant pour lui. Je crois que j'ai reçu une grande partie de mes idées, de mes croyances, de mes passions, de cet homme-là, parce que je ne m'en rendais pas compte, mais il transmettait cette exigence, en particulier cette répulsion qu'il avait pour le colonialisme, alors qu'il en était un agent. Il était un agent du colonialisme. Des médecins, à l'égal des juges et des policiers, faisaient partie de cet ensemble qu'on appelait le colonialisme. Mais en même temps, il le remettait en question. Et je crois que la défiance qu'il avait pour le rôle que l'Occident pouvait jouer vis-à-vis des colonies était très perceptible et ça m'apprenait beaucoup. Et c'est passé chez vous ? Oui, c'est vrai. Moi, j'avais 20 ans au moment de la guerre d'Algérie. C'était donc important, cela. Parce que le choix qui se posait quand on a 20 ans, c'est vais-je partir, vais-je prendre un fusil et tirer sur ces gens qui demandent leur indépendance ? Et lui était évidemment outragé par cette guerre. Je crois que cette assurance que j'avais que c'était une guerre qu'il ne fallait pas mener venait de lui. Entretien avec Eva Bétan sur France Inter en mars 2004. Ce petit retour biographique de notre émission finalement sur les thèmes littéraires de Le Clésio, c'est peut-être pour dire justement qu'il n'y a pas que le rêve, il y a aussi cette conscience sociale et politique dans sa littérature. Isabelle Roussel-Gillet. Oui, alors autant on parlerait peut-être pas d'un écrivain engagé comme dans la grande période sartrienne, quoique il puisse parfois prendre la plume pour écrire des tribunes dans Le Monde pour alerter contre telle île Neshagos qui est devenue une base militaire et dont tous les habitants ont été expulsés. Est-ce qu'il s'est emparé par exemple du réchauffement climatique en tant que sujet, parce que ça pourrait être un sujet qui pourrait l'intéresser ? Alors, comme vous le disiez hier, le thème écologique est, on va dire, traité de façon oblique dans certains de ses livres, comme notamment Pawana, enfin, la défense de la nature. Plutôt ce sur quoi il s'engage réellement en termes d'implication, parce qu'il est complètement lucide sur cette littérature qui n'est pas toujours de la consolation, parce que, il le dit, hein, ça ne peut pas donner à manger aux gens qui ont faim. Mais ça peut bousculer nos imaginaires, les reprogrammer. Et c'est là peut-être qu'il rejoint Edouard Glissant, que la littérature a un rôle à jouer. Il s'engage sur l'interculturel. Il est quand même cofondateur d'une fondation pour la paix, l'interculturel, avec ses amis Issa et Sarojani Asghar Ali, à l'île Maurice, et où là, il y a des actions en faveur de la lecture et d'ouvrir les perceptions, de décentrer, de déplacer le regard. Est-ce que vous diriez que son lectorat est plutôt, alors je trace à grands traits, un lectorat de gauche ? Ah, ça a souvent été dit. Alors, est-ce que c'est triste pour nous, pour demain, si la conscience sociale qui fait qu'on essaie de ne pas... qu'on essaie de défendre les opprimés, qui fait qu'on s'intéresse au réchauffement climatique, si ça n'est qu'une question d'idée de gauche. C'est très malheureux pour nous, on va dire. En tout cas, comme thème, il y a le thème de la pauvreté, et plus encore le thème de la pauvreté consentie. Il y a beaucoup de personnages comme ça, qui se libèrent, semble-t-il, à la lecture, en acceptant et même en recherchant la pauvreté. Alors il y a les deux, il y a la pauvreté subie, la précarité, il y a beaucoup de migrants quand même dans l'œuvre, et puis le dénuement, le dépouillement, qui est, je crois, lié à une profonde aversion de la propriété, ou du comportement du propriétaire. Il n'y a pas de territoire, enfin, il devrait y avoir moins de territoire, pas de territoire, comme il n'y a pas de ciditoire, on va dire. Je pense à un personnage, quand L'enfant de sous le pont, c'est une nouvelle assez peu connue, où vous avez un SDF qui est un ancien harki. Vous voyez encore une fois la mémoire collective, en un mot, on sait très bien quel est, ce à quoi ça renvoie, et qui recueille un bébé. Et qui en prend soin, le réchauffe, et il a quand même des ressources. Hein, il est chiffonnier, estracier, comme on dit. Et donc, il l'entoure de lambeaux pour prendre soin de cet enfant. Donc là, c'est complètement subi. Bon, la fin de l'histoire, quand même, c'est pas un bien, mais enfin, il trouve une famille d'adoption pour l'enfant, tandis que lui retourne à sa solitude. Voilà, peut-être que. On est dans une réparation aussi. On est passé de la solitude, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un nous. Mmh. Et je crois que c'est ça qui est important dans le geste de l'Ecclésio, c'est de vouloir qu'il y ait un nous. Un livre n'est rien tant qu'il n'est pas en partage. Et que c'est ce commun qui est important. Alors que ce soit une idée de gauche ou de droite, je ne sais pas, mais ça devrait être une idée essentielle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est notre contemporain. D'ailleurs, on en parlera largement demain avec Marina Salle. Est-ce qu'il interroge l'histoire du monde, l'histoire de la colonisation, l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire des civilisations? Il y a ça aussi dans ses romans, dans ses fictions? Indéniablement, puisque ces récits sont des relations au double sens, relations quand on raconte une histoire et relations dans la poétique de la relation. C'est vraiment relié dans une entreprise de témoignage des mémoires brisées, que ce soit celle liée à la guerre d'Algérie, que ce soit celle liée à l'exploitation dans les champs de coton à Maurice, afin d'affirmer un pluralisme historique et de redonner voix aux invisibles, aux opprimés, et toujours de façon non manichéenne. Si vous lisez une nouvelle comme L'aile, c'est bien dans un contexte colonial, et vous avez le point de vue de deux femmes qui vont être celui de la maîtresse noire du colon et le point de vue de la femme blanche du colon. Donc à chaque fois, on va avoir ces doubles regards. Donc il y a vraiment une réflexion sur le retranchement de cette guerre qui n'avait pas de nom dans le procès verbal, des réflexions sur... Il y a un profond écœurement de la guerre chez lui, qui rejoint un peu la plaie muette, dirait René Char, vraiment. Comment est-ce qu'il écrit ces romans? Est-ce qu'il y a beaucoup de documentation, justement, quand il y a un rapport même lointain à l'histoire? Est-ce qu'il a, justement, quelque chose qui relève aussi du document? Oui, tout à fait. Il consulte les archives. Enfin, je crois que ça, il en a l'habitude en tant qu'historien, et puis parce qu'il a travaillé dans une bibliothèque au Nouveau-Mexique, où il est au contact de documents. D'ailleurs, il n'aurait peut-être pas traduit les relations de Michoacán s'il n'avait pas été aussi archiviste dans l'âme, si on peut dire. Il va ouvrir des archives. Il va aussi à la rencontre des témoins. Quand il écrit Cirandan, ce recueil de devinette créole, il rencontre une habitante. Quand il écrit Raga, il est au contact un peu ethnographique aussi d'une habitante. Et en même temps, ça ne se sent pas de manière trop visible. C'est vraiment intégré très finement dans la narration. Oui, ça ne serait pas élégant si on voyait toutes les coutures. C'est, non, jamais. C'est dans sa voix, dans ce côté très habile dans l'articulation du mythe personnel, du mythe collectif, de l'histoire, du rêve. Donc on ne voit pas comme des morceaux d'iceberg, en effet, tiens, tel document, on voit où il a été lire, c'est très fondu, c'est très métissé comme littérature. Merci beaucoup, Isabelle Roussel-Gillet. On retrouvera les références de vos ouvrages sur notre site. Je cite quand même JMG Le Clésio, écrivain de l'incertitude. C'est chez Ellipse. Tout de suite, voici La Compagnie des Revues avec Étienne de Montetti. La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. De Montetti, rédacteur en chef du Figaro Littéraire. Bonjour Étienne. Bonjour Mathieu. Vous venez nous parler aujourd'hui d'un livre qui trouve sa place dans votre bibliothèque extrême orientale. On est toujours dans les voyages. Il s'agit de Jungle Rouge de Jean-Noël Orango. Oui, en effet, notre mémoire jaune est riche, douloureuse, mais riche, et elle hante, je pense, les Européens depuis 150 ans, et elle a largement nourri notre littérature et notre cinéma. Et Jean-Noël Orengo, qui est un jeune écrivain contemporain, l'explore à sa manière, très romanesque et absolument somptueuse. Son troisième livre, qui est un roman, célèbre une nouvelle fois les noces de la France et de ces terres des confins, l'Extrême-Orient, qu'on a pu appeler Indochine et maintenant le Vietnam. Alors de quoi s'agit-il ? Alors c'est l'histoire dont les premiers personnages s'appellent tout simplement André et Clara Malraux. Leur histoire est connue et elle est relatée. C'est dans les années 20, ces deux jeunes gens qui parcourent l'Indochine en quête d'aventure, d'opium et d'idéal. Et dans cette histoire très connue, Orengo se glisse et imagine où s'empare, je ne sais pas, du boy du couple qu'il appelle Xa, qui est un jeune Cambodgien que le couple fera venir à Paris. Et puis un peu plus tard, on suit Xa dans ses pérégrinations et on rencontre son fils qui s'appelle Prasit et qui est l'ami à Paris et aussi à Phnom Penh d'un certain Salot Sar que l'histoire a retenu sous le nom de Pol Pot, hein, quel nom sanglant, et il nous raconte que tous les deux militent pour l'indépendance du Cambodge avec beaucoup d'idéal, sans imaginer évidemment qu'ils sont en train d'engendrer un monstre que sont ou que seront les Khmers Rouges. Le livre de Orengo est remarquable parce que eh bien il dresse une fresque de Saïgon, de Paris. Il reconstitue les choses avec beaucoup de minutie et c'est très réussi. Il y règne au départ une espèce d'harmonie assez apparente. Les Français sont chez eux à Saïgon ou à Phnom Penh. Les étudiants indochinois sont au quartier latin. Et puis il y a un petit bémol qui est introduit par Orengo, c'est « mais pas tout à fait ». Et « mais pas tout à fait », apprend-on assez vite, c'est une phrase comme une scansion d'un poème khmer. Et elle parcourt tout le roman d'Orengo et c'est évidemment là où le livre trouve sa réussite, parce qu'elle montre évidemment très bien la relation complexe, voire ambiguë, entre les deux pays. Mmh. Alors dans ce grand roman, bien passent des figures de l'histoire, de premier ou de second plan. On y croise Jacques Vergès, mais aussi Cathy Leroy ou Sean Flynn, le fils d'Errol, que j'ai découvert à l'occasion. Ce sont deux photographes de guerre talentueux, comme il y en a eu tant dans cette guerre du Vietnam. Et puis au fil du récit d'Orengo, le halo du projecteur se concentre, et de la grande histoire, avec toutes ces figures connues, eh bien, on passe à quelque chose de plus intime. C'est l'histoire de la belle Fala, qui est la jolie fille de Prasit, dont on vient de parler. Et durant la chute de Phnom Penh, Fala a été confiée à des Français et elle est devenue à Paris, donc dans les années 80, une artiste renommée, quoiqu'étant restée une enfant entre deux rives. Parce que, on le comprend assez vite, son cœur est en France, mais où sont son âme et ses racines? On comprend qu'évidemment les hommes ne sont pas des pions et que on peut pas les balloter forcément d'un continent à l'autre et qu'ils sont certainement retenus à leurs origines, à leur histoire par des filaments invisibles. Alors vous nous décrivez très bien ce livre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Étienne de Montetti? Alors j'ai été très sensible à l'écriture flamboyante qui s'accorde très bien au sujet et à sa luxuriance. J'ai aimé aussi qu'il revisite intégralement l'histoire littéraire et historique en quelque sorte et militaire franco-indochinoise, qu'il nous accompagne avec des figures obligées, avec un petit bémol, c'est le risque d'y noyer ou d'y brouiller son identité littéraire. Parce que de ce livre, il faut surtout retenir un brio indéniable avec lequel l'écrivain célèbre les liaisons dangereuses entre la France et l'Extrême-Orient. Et surtout, et ça fait très plaisir, il ravive les images, les couleurs, les odeurs que charrie depuis si longtemps notre imaginaire. Merci beaucoup Étienne de Montetti. Les Jungles Rouges de Jean-Noël Orengo est disponible aux éditions Grasset. Je renvoie nos auditeurs sur le Figaro littéraire en kiosque le jeudi. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Déborah Dagobert. Demain, c'est de la modernité chez Le Clésio dont il sera question. Dans cette émission, mon invité sera Marina Sall. N'oubliez pas le feuilleton ce soir. On retrouve Georges Simenon pour le deuxième épisode sur 5 des Anneaux de Bicêtre.